Small Flanders, 19e partie. Nous eûmes à cette époque un autre incendie qui survint non loin du lieu où vivait ma gouvernante, et je fis là une tentative comme avant. Mais n'y étant pas arrivé avant que la foule s'amassa, je ne pus parvenir jusqu'à la maison que je visais, et au lieu de butin, je rencontrai un malheur qui pensa mettre fin tout ensemble à ma vie et à mes mauvaises actions. Car le feu était fort furieux, et les gens en grande frayeur, qui déménageaient leurs meubles et les jetaient par la croisée. Une fille laissa tomber d'une fenêtre un lit de plumes justement sur moi. Il est vrai que le lit de plumes étant molle, ne pouvait point me briser les os. Mais comme le poids était fort grand, il s'augmentait de sa chute. Je fus renversée à terre et je demeurai un moment comme morte. D'ailleurs, on ne s'inquiéta guère de me débarrasser ou de me faire revenir à moi. Mais je gisais comme une morte, et on me laissa là, jusqu'à l'heure où une personne qui allait pour enlever le lit de plumes m'aida à me relever. Ce fut en vérité un miracle si les gens de la maison ne jetèrent point d'autres meubles afin de les y faire tomber, chose qui m'eût inévitablement tué. Mais j'étais réservée pour d'autres afflictions. Cet accident, toutefois, me gâta le marché pour un temps, et je rentrai chez ma gouvernante assez meurtrie et fort effrayée, et elle eut bien de la peine à me remettre sur pied. C'était maintenant la joyeuse époque de l'année, et la foire Saint-Barthélemy était commencée. Je n'avais jamais fait d'excursion de ce côté-là, et la foire n'était point fort avantageuse pour moi. Cependant, cette année, j'allais faire un tour dans les cloîtres, et là, je tombai dans une des boutiques à rafles. C'était une chose de peu de conséquence pour moi, mais il entra un gentilhomme extrêmement bien vêtu et très riche, et comme il arrive d'ordinaire que l'on parle à tout le monde dans ces boutiques, il me remarqua et s'adressa singulièrement à moi. D'abord, il me dit qu'il allait mettre à la rafle pour moi, et c'est ce qu'il fit. Et comme il gagna quelques petits lots, je crois que c'était un manchon de plumes, il me l'offrit. Puis il continua de me parler avec une apparence de respect qui passait l'ordinaire, mais toujours avec infiniment de civilité et en façon de gentilhomme. Il me tint si longtemps en conversation qu'à la fin il me tira du lieu où on jouait à la rafle jusqu'à la porte de la boutique, puis m'en fit sortir pour me promener dans le cloître, ne cessa point de me parler légèrement de mille choses, sans qu'il y eût rien au propos. Enfin, il me dit qu'il était charmé de ma société, et me demanda si je n'oserais point monter en carrosse avec lui. Il me dit qu'il était homme d'honneur, et qu'il ne tenterait rien d'inconvenant. Je parus répugnante d'abord, mais je souffris de me laisser importuner un peu, enfin je cédai. Je ne savais que penser du dessein de ce gentilhomme, mais je découvris plus tard qu'il avait la tête brouillée par les fumées du vin qu'il avait bu et qu'il ne manquait pas d'envie d'en boire davantage. Il m'emmena au Spring Garden, à Knightsbridge, où nous nous promenâmes dans les jardins et où il me traita fort bravement. Mais je trouvai qu'il buvait avec excès. Il me pressa de boire aussi, mais je refusai. Jusque-là, il avait gardé sa parole et n'avait rien tenté qui fût contre la décence. Nous remontâmes en carrosse et il me promena par les rues, et à ce moment, il était près de 10 heures du soir, qu'il fit arrêter le carrosse à une maison où il paraît qu'il était connu et où on ne fit point scrupule de nous faire monter l'escalier et de nous faire entrer dans une chambre où il y avait un lit. D'abord, je parus répugnante à monter, mais après quelques paroles, là encore je cédai, ayant en vérité le désir de voir l'issue de cette affaire et avec l'espoir d'y gagner quelque chose en fin de compte. Pour ce qui était du lit, etc., je n'étais pas fort inquiète là-dessus. Ici, il commença de se montrer un peu plus libre qu'il n'avait promis, et moi, peu à peu, je cédai à tout, de sorte qu'en somme, il fit de moi ce qui lui plut. Point n'est besoin d'en dire davantage. Et cependant, il buvait d'abondance, et vers 1 heure du matin, nous remontâmes dans le carrosse. L'air et le mouvement du carrosse lui firent remonter les vapeurs de la boisson à la tête. Il montra quelque agitation et voulut recommencer ce qu'il venait de faire. Mais moi, sachant bien que je jouais maintenant à coup sûr, je résistai et je le fis tenir un peu tranquille, d'où à peine 5 minutes après, il tomba profondément endormi. Je saisis cette occasion pour le fouiller fort minutieusement. Je lui ôtai une montre en or, avec une bourse de soie pleine d'or, sa belle perruque à calotte pleine et ses gants à franges d'argent, son épée et sa belle tabatière. Puis, ouvrant doucement la portière du carrosse, je me tins prête à sauter tandis que le carrosse marcherait. Mais comme le carrosse s'arrêtait dans l'étroite rue qui est de l'autre côté de Temple Bar, pour laisser passer un autre carrosse, je sortis sans bruit, refermai la portière et faussai compagnie à mon gentilhomme et au carrosse tout ensemble. C'était là, en vérité, une aventure imprévue et où je n'avais eu aucune manière de dessein. Quoique je ne fusse pas déjà si loin de la joyeuse partie de la vie pour oublier comment il fallait se conduire quand un sot aussi aveuglé par ses appétits ne reconnaîtrait pas une vieille femme d'une jeune. Je paraissais en vérité 10 ou 12 ans de moins que je n'avais. Pourtant, je n'étais point une jeune fille de 17 ans et il était aisé de le voir. Il n'y a rien de si absurde, de si extravagant, ni de si ridicule, qu'un homme qui a la tête échauffée tout ensemble par le vin et par un mauvais penchant de son désir. Il est possédé à la fois par 2 démons et ne peut pas plus se gouverner par raison qu'un moulin ne saurait moudre sans eau. Le vice foule aux pieds tout ce qui était bon en lui. Oui, et ses sens mêmes sont obscurcis par sa propre rage et il agit en absurde à ses propres yeux. Ainsi, il continuera de boire, étant déjà ivre. Il ramassera une fille commune sans se soucier de ce qu'elle est ni demander qui elle est. Saine ou pourrie, propre ou sale, laide ou jolie, vieille ou jeune. Si aveuglé qu'il ne saurait distinguer. Un tel homme est pire qu'un lunatique. Poussé par sa tête ridicule, il ne sait pas plus ce qu'il fait que ne le savait mon misérable quand je lui tirais de la poche sa montre et sa bourse d'or. Ce sont là les hommes dont Salomon dit « Ils marchent comme le bœuf à l'abattoir » jusqu'à ce que le fer leur perce le foie. Admirable description d'ailleurs de l'horrible maladie qui est une contagion empoisonnée et mortelle se mêlant au sang, dont le centre ou fontaine est dans le foie, d'où, par la circulation rapide de la masse entière, cet affreux fléau nauséabond frappe immédiatement le foie, infecte les esprits et perce les entrailles comme d'un fer. Il est vrai que le pauvre misérable sans défense n'avait rien à craindre de moi. Quoique j'eusse grande appréhension d'abord sur ce que je pouvais avoir à craindre de lui. Mais c'était vraiment un homme digne de pitié en tant qu'il était de bonne sorte. Un gentilhomme n'ayant point de mauvais dessein. Homme de bon sens et belle conduite, personne agréable et avenante, de contenance sobre et ferme, de visage changeant et beau, et tout ce qui pouvait plaire, sinon qu'il avait un peu bu par malheur la nuit d'avant. Qu'il ne s'était point mis au lit, ainsi qu'il me dit quand nous fûmes ensemble, qu'il était échauffé et que son sang était enflammé par le vin. Et que, dans cette condition, sa raison, comme si elle fût endormie, l'avait abandonnée. Pour moi, mon affaire, c'était son argent et ce que je pouvais gagner sur lui. Et ensuite, si j'eusse pu trouver quelque moyen de le faire, je l'eusse renvoyé sain et sauf chez lui, en sa maison, dans sa famille, car je gage 10 contre 1 qu'il avait une femme honnête et vertueuse, et d'innocents enfants qui étaient inquiets de lui, et qui auraient bien voulu qu'il fût rentré pour prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il se remît. Et puis, avec quelle honte et quel regret, il considérerait ce qu'il avait fait, comme il se reprocherait d'avoir lié fréquentation avec une paix. Ramassé dans le pire des mauvais lieux, le cloître, parmi l'ordure et la souillure de la ville. Comme il tremblerait de crainte d'avoir pris là, de crainte que le fer lui eût percé le foie. Comme il se haïrait lui-même chaque fois qu'il regarderait la folie et la brutalité de sa débauche. Comme il laborerait la pensée, s'il avait quelque principe d'honneur, de donner aucune maladie s'il en avait, et était-il sûr de n'en point avoir, à sa femme chaste et vertueuse, et de semer ainsi la contagion dans le sang vital de sa postérité. Si de tels gentilshommes regardaient seulement les méprisables pensées qu'entretiennent sur eux les femmes mêmes dont ils sont occupés en des cas tels que ceux-ci, ils en auraient du dégoût. Ainsi que j'ai dit plus haut, elles n'estiment point le plaisir, elles ne sont soulevées par aucune inclination pour l'homme. La j'ai passive ne pense à d'autres plaisirs qu'à l'argent, et quand il est tout ivre en quelque sorte, par l'extase de son mauvais plaisir, les mains de la fille sont dans ses poches, en quête de ce qu'elle y peut trouver, et il ne s'en aperçoit pas plus au moment de sa folie qu'il ne le peut prévoir dans l'instant qu'il a commencé. J'ai connu une femme qui eut tant d'adresse avec un homme qui, en vérité, ne méritait point d'être mieux traité, que pendant qu'il était occupé avec elle d'une autre manière, elle fit passer sa bourse, qui contenait 20 guinées, hors de son gousset où il l'avait mise de crainte qu'elle la lui prît, et glissa à la place une autre bourse pleine de jetons dorés. Après qu'il eut fini, il lui dit « Voyons, ne m'as-tu point volé ?» Elle se mit à plaisanter et lui dit qu'elle ne pensait pas qu'il eût beaucoup d'argent à perdre. Il mit la main à son gousset et tâta sa bourse des doigts, d'où il fut rassuré, et ainsi elle s'en alla avec son argent. et c'était là le métier de cette fille. Elle avait une montre d'or faux et dans sa poche une bourse pleine de jetons, toute prête à de semblables occasions, et je ne doute point qu'elle ne pratiquât son métier avec succès. Je rentrai chez ma gouvernante avec mon butin, et vraiment, quand je lui contai l'histoire, elle put à peine retenir ses larmes de penser comment un tel gentilhomme courait journellement le risque de se perdre chaque fois qu'un verre de vin lui montait à la tête. Mais quant à mon aubaine, et combien totalement je l'avais dépouillée, elle me dit qu'elle en était merveilleusement charmée. « Oui, mon enfant, dit-elle, voilà une aventure qui, sans doute, servira mieux à le guérir que tous les sermons qu'il entendra jamais dans sa vie. » Et si le reste de l'histoire est vrai, c'est ce qui arriva en effet. Je trouvai le lendemain qu'elle s'enquérait merveilleusement de ce gentilhomme. La description que je lui en donnai, ses habits, sa personne, son visage, tout concourait à la faire souvenir d'un gentilhomme dont elle connaissait le caractère. Elle demeura pensive un moment, et comme je continuais à lui donner des détails, elle se mit à dire. Je parie 100 livres que je connais cet homme. J'en suis fâchée, dis-je, car je ne voudrais pas qu'il fût exposé pour tout l'or du monde. On lui a déjà fait assez de mal, et je ne voudrais pas aider à lui en faire davantage. Non, non, dit-elle, je ne veux pas lui faire de mal, mais tu peux bien me laisser satisfaire un peu ma curiosité, car si c'est lui, je te promets bien que je le retrouverai. Je fus un peu effarée là-dessus, et lui dit le visage plein d'une inquiétude apparente qu'il pourrait donc par le même moyen me retrouver, moi, et qu'alors j'étais perdue. Elle repartit vivement. « Et quoi? Penses-tu donc que je vais te trahir, mon enfant? Non, non, dit-elle, quand il dut avoir 10 fois plus d'état, j'ai gardé ton secret dans des choses pires que celles-ci. Tu peux bien te fier à moi pour cette fois. » Alors je n'en dis point davantage. Elle disposa son plan d'autre manière et sans me le faire connaître, mais elle était résolue à tout découvrir. Si bien qu'elle va trouver une certaine personne de ses amis qui avait accointance dans la famille qu'elle supposait et lui dit qu'elle avait une affaire extraordinaire avec tel gentilhomme qui, soit dit en passant, n'était rien de moins qu'un baronnet et de très bonne famille, et qu'elle ne savait comment parvenir jusqu'à lui sans être introduite dans la maison. Son ami lui promit sur le champ de l'y aider, et en effet s'en va voir si le gentilhomme était en ville. Le lendemain, elle arrive chez ma gouvernante et lui dit que sœur était chez lui, mais qu'il lui était arrivé quelque accident, qu'il était fort indisposé et qu'il était impossible de le voir. « Quel accident ? » dit ma gouvernante en toute hâte, comme si elle fût surprise. « Mais, répond son ami, il était allé à Hampstead pour y rendre visite à un gentilhomme de ses amis, et comme il revenait, il fut attaqué et volé. Et ayant un peu trop bu, comme on croit, les coquins le maltraitèrent, et il est fort indisposé. « Volé ? » dit ma gouvernante, « et que lui a-t-on pris ?»« Mais, répond son ami, on lui a pris sa montre d'or, et sa tabatière d'or, sa belle perruque, et tout l'argent qui était dans sa poche, somme à coup sûr considérable, car sœur, ne sort jamais sans porter une bourse pleine de guinées sur lui. « Bah, bah !» dit ma vieille gouvernante gouailleuse, « je vous parie bien qu'il était ivre, qu'il a pris une paix et qu'elle lui a retourné les poches. Et puis il est rentré trouver sa femme et lui conte qu'on l'a volée. C'est une vieille couleur. On joue mille tours semblables aux pauvres femmes tous les jours. « Fi, dit son ami, je vois bien que vous ne connaissez point sœur. C'est bien le plus honnête gentilhomme qu'il y ait au monde. Il n'y a pas dans toute la cité d'homme plus élégant, ni de personne plus sobre et plus modeste. Il a horreur de toutes ces choses. Il n'y a personne qui le connaisse à qui pareille idée pût venir. » « Allons, allons, dit ma gouvernante, ce ne sont point mes affaires. Autrement, je vous assure que je trouverai là-dedans quelque peu de ce que j'ai dit. Tous vos hommes de réputation modeste ne valent parfois guère mieux que les autres. Ils ont seulement meilleure tenue, ou, si vous voulez, ce sont de meilleurs hypocrites. » « Non, non, dit son ami, je puis vous assurer que sœur n'est point un hypocrite. C'est vraiment un gentilhomme sobre et honnête, et sans doute il a été volé. » « Nenni, dit ma gouvernante, je ne dis point le contraire. Ce ne sont pas mes affaires, vous dis-je, je veux seulement lui parler. Mon affaire est d'autre nature. » « Mais, dit son ami, quelle que soit la nature de votre affaire, c'est impossible en ce moment. Vous ne sauriez le voir. Il est très indisposé et fort meurtri. » « Ah oui, dit ma gouvernante, il est donc tombé en de bien mauvaises mains. » Et puis elle demanda gravement, « Où est-il meurtri, je vous prie ?»« Mais à la tête, dit son ami, à une de ses mains et à la figure, car ils l'ont traité avec barbarie. » « Pauvre gentilhomme, dit ma gouvernante, alors il faut que j'attende qu'il soit remis. » Et elle ajouta, « J'espère que ce sera bientôt. » Et la voilà partie me raconter l'histoire. « J'ai trouvé ton beau gentilhomme, dit-elle, et certes c'était un beau gentilhomme. Mais Dieu ait pitié de lui, il est maintenant dans une triste passe. Je me demande ce que diable tu lui as fait. « Ma foi, tu l'as presque tué. » Je la regardai avec assez de désordre. « Moi, le tuer ? » dis-je. « Vous devez vous tromper sur la personne. Je suis sûre de ne lui avoir rien fait. Il était fort bien quand je le quittai, dis-je, sinon qu'il était ivre et profondément endormi. » « Voilà ce que je ne sais point, dit-elle, mais à cette heure, il est dans une triste passe. » Et la voilà qui me raconte tout ce que son ami avait dit. « Eh bien alors, dis-je, c'est qu'il est tombé dans de mauvaises mains après que je l'ai quitté, car je l'avais laissé en assez bon état. » Environ 10 jours après, ma gouvernante retourne chez son ami pour se faire introduire chez ce gentilhomme. Elle s'était enquise cependant par d'autres voies, et elle avait ouï dire qu'il était remis, si bien qu'on lui permit de lui parler. C'était une femme d'une adresse admirable et qui n'avait besoin de personne pour l'introduire. Elle dit son histoire bien mieux que je ne saurais la répéter, car elle était maîtresse de sa langue, ainsi que j'ai déjà dit. Elle lui conta qu'elle venait, quoique étrangère, dans le seul dessein de lui rendre service et qu'il trouverait qu'elle ne venait point à une autre fin, qu'ainsi qu'elle arrivait simplement à titre si amical, elle lui demandait la promesse que, s'il n'acceptait pas ce qu'elle proposerait officiellement, il ne prit pas en mauvaise part qu'elle se fût mêlée de ce qui n'était point ses affaires. Elle l'assura qu'ainsi que ce qu'elle avait à dire était un secret qui n'appartenait qu'à lui. Ainsi, qu'il accepta son offre ou non, la chose resterait secrète pour tout le monde, à moins qu'il la publiât lui-même, et que son refus ne lui ôterait pas le respect qu'elle entretenait pour lui, au point qu'elle lui fît la moindre injure, de sorte qu'il avait pleine liberté d'agir, ainsi qu'il le jugerait bon. Il prit l'air fort fuyant d'abord, et dit qu'il ne connaissait rien en ses affaires, qu'il demanda beaucoup de secrets, qu'il n'avait jamais fait de tort à personne et qu'il ne se souciait pas de ce qu'on pouvait dire de lui. Que ce n'était point une partie de son caractère d'être injuste pour quiconque, et qu'il ne pouvait point s'imaginer en quoi aucun homme pût lui rendre service, mais que, s'il en était ainsi qu'elle avait dit, il ne pouvait se fâcher qu'on s'efforçât de le servir, et qu'il la laissait donc libre de parler, ou de ne point parler, à sa volonté. Elle le trouva si parfaitement indifférent qu'elle eut presque de la crainte à aborder la question. Cependant, après plusieurs détours, elle lui dit que par un accident incroyable, elle était venue à avoir une connaissance particulière de cette malheureuse aventure où il était tombé, et en une manière telle qu'il n'y avait personne au monde qu'elle-même et lui qui en fussent informés, non, pas même la personne qui avait été avec lui. Il prit d'abord une mine un peu en colère. « Quelle aventure ! » dit-il. « Mais, dit-elle, quand vous avez été volé, au moment où vous veniez de Knights... Hampstead, monsieur, voulais-je dire, dit-elle. « Ne soyez pas surpris, monsieur, dit-elle, que je puisse vous rendre compte de chaque pas que vous avez fait ce jour-là, depuis le cloître à Smithfield jusqu'au Spring Garden à Knightsbridge, et de là au... dans le Strand, et comment vous restâtes endormis dans le carrosse ensuite. Que ceci, dis-je, ne vous surprenne point, car je ne viens pas, monsieur, vous tirer de l'argent. Je ne vous demande rien, et je vous assure que la femme qui était avec vous ne sait point du tout qui vous êtes et ne le saura jamais. Et pourtant, peut-être que je peux vous servir plus encore, car je ne suis pas venu tout nûment pour vous faire savoir que j'étais informé de ces choses, comme si je vous eusse demandé le prix de mon silence. Soyez persuadé, monsieur, dit-elle, que, quoi que vous jugiez bon de faire ou de me dire, tout restera secret, autant que si je fusse dans ma tombe. » Il fut étonné de son discours et lui dit gravement « Madame, vous êtes une étrangère pour moi, mais il est bien infortuné que vous ayez pénétré le secret de la pire action de ma vie et d'une chose dont je suis justement honteux. En quoi la seule satisfaction que j'avais était que je pensais qu'elle fût connue seulement de Dieu et de ma propre conscience. « Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne point compter la connaissance que j'ai de ce secret comme une part de votre malheur. C'est une chose où je pense que vous fûtes entraîné par surprise, et peut-être que la femme usa de quelque art pour vous y pousser. Toutefois, vous ne trouverez jamais de juste cause, dit-elle, de vous repentir que je sois venue à l'apprendre, ni votre bouche ne peut-elle être là-dedans plus muette que je ne l'ai été et le serai jamais. Eh bien, dit-il, c'est que je veux rendre justice aussi à cette femme. Quelle qu'elle soit, je vous assure qu'elle ne me poussa à rien. Elle s'efforça plutôt de résister. C'est ma propre extravagance et ma folie qui m'entraînèrent à tout, oui, et qui l'y entraînèrent aussi. Je ne veux point lui faire tort. Pour ce qu'elle m'a pris, je ne pouvais m'attendre à rien de moins d'elle, en la condition où j'étais, et à cette heure encore, je ne sais point si c'est elle qui m'a volé, ou si c'est le cocher. Si c'est elle, je lui pardonne. Je crois que tous les gentilshommes qui agissent ainsi que je l'ai fait devraient être traités de même façon. Mais je suis plus tourmenté d'autre chose que de tout ce qu'elle m'a ôté. » Ma gouvernante alors commença d'entrer dans toute l'affaire et il s'ouvrit franchement à elle. D'abord, elle lui dit en réponse à ce qu'elle lui avait dit sur moi, « Je suis heureuse, monsieur, que vous montriez tant de justice à la personne avec laquelle vous êtes allé. Je vous assure que c'est une femme de qualité, que ce n'est point une fille commune de la ville. Et quoi que vous ayez obtenu d'elle, je suis persuadée que ce n'est pas son métier. Vous avez couru un grand risque, en vérité, monsieur. Mais si c'est là une partie de votre tourment, vous pouvez être parfaitement tranquille. Car je vous jure que pas un homme ne l'a touchée avant vous depuis son mari, et il est mort voilà tantôt 8 ans. Il parut que c'était là sa peine et qu'il était en grande frayeur là-dessus. Toutefois, sur les paroles de ma gouvernante, il parut enchanté et dit « Eh bien, madame, pour vous parler tout net, si j'étais sûre de ce que vous me dites, je ne me soucierais point tant de ce que j'ai perdu. La tentation était grande, et peut-être qu'elle était pauvre et qu'elle en avait besoin. Si elle n'eût pas été pauvre, monsieur, dit-elle, je vous jure qu'elle ne vous aurait jamais cédé, et ainsi que sa pauvreté l'entraîna d'abord à vous laisser faire ce que vous fîtes, ainsi la même pauvreté la poussa à se payer à la fin, quand elle vit que vous étiez en une telle condition que, si elle ne l'avait point fait, peut-être que le prochain cocher ou porteur de chaise l'eût pu faire à votre plus grande âme. Eh bien, dit-il, grand bien lui fasse. Je le répète encore, tous les gentilshommes qui agissent ainsi devraient être traités de la même manière, et cela les porterait à veiller sur leurs actions. Je n'ai point d'inquiétude là-dessus que relativement au sujet dont nous avons parlé. Là, il entra en quelque liberté avec elle sur ce qui s'était passé entre nous, chose qu'il ne convient pas qu'une femme écrive, et sur la grande terreur qui pesait sur son esprit pour sa femme, de crainte qu'il eût reçu quelque mal de moi, et le communiqua. Il lui demanda enfin si elle ne pouvait lui procurer une occasion de me parler. Ma gouvernante lui donna de pleines assurances sur ce que j'étais une femme exempte de toute chose pareille, et qu'il pouvait avoir autant de tranquillité là-dessus que si c'eût été avec sa propre femme. Mais pour ce qui était de me voir, elle dit qu'il pourrait y avoir de dangereuses conséquences. Toutefois, qu'elle me parlerait et lui ferait savoir, s'efforçant cependant de lui persuader de n'en point avoir le désir et qu'il n'en retirerait aucun bénéfice, regardant qu'elle espérait qu'il n'avait point l'intention de renouveler la liaison, et que, pour moi, c'était tout justement comme si je lui misse ma vie entre les mains. Il lui dit qu'il avait un grand désir de me voir, qu'il lui donnerait toutes les assurances possibles de ne point tirer avantage de moi, et que, tout d'abord, il me ferait grâce en général de toute demande d'espace quelconque. Elle insista pour lui montrer que ce ne serait là que la divulgation de son secret qui pourrait lui faire grand tort, et le supplia de ne point la presser plus avant, si bien qu'en fin de compte, il y renonça. Ils eurent quelques discours au sujet des choses qu'il avait perdues, et il parut très désireux de retrouver sa montre en or, et lui dit que si elle pouvait la lui procurer, il en payerait volontiers la valeur. Elle lui dit qu'elle s'y efforcerait, et en abandonna le prix à son estimation. »